Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Retraités et maltraités ». Les retraités ont de nombreuses raisons d'être mécontents des réformes annoncées. Les futurs retraités encore davantage. L'an prochain, ce sera le 75e anniversaire de l'institution Sécurité sociale. La mise en place d'un système qui se voulait universel d'assurance maladie, de retraite et d'aide aux familles. Le Conseil national de la Résistance avait mis en œuvre un dispositif qui devait être solidaire, intergénérationnel, afin que la population puisse faire face aux aléas de la vie, accidents, maladies, vieillesse. Également, pouvoir bénéficier de prestations pour élever des enfants en bénéficiant des caisses d'allocations familiales. Ce système n'était certes pas parfait pour assurer un revenu de remplacement suffisant aux personnes malades ou retraitées, puisque seulement la moitié de leurs gains antérieurs étaient reversés. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, la France sortait exsangue d'un conflit mondial et que les pères de la sécurité sociale avaient émis le vœu que, lorsque l'économie le permettrait, des améliorations quantitatives seraient mises en œuvre. Hélas, l'élan s'est arrêté au niveau qu'il était à cette époque. Mais il a permis une réelle solidarité intergénérationnelle dans le monde ouvrier, considéré le salarié n'étant plus considéré seulement comme un producteur, mais aussi comme un citoyen participant au développement du pays et en recueillant les fruits, y compris par l'instauration d'un système de protection sociale qui l'évitait de sombrer dans la misère. Système toutefois amélioré financièrement par la suite par la CSG et la CRDS. La sécurité sociale a toujours été critiquée dans un monde économique libéral, îlot de solidarité et de socialisme dans un monde capitaliste. Jugé trop coûteux selon les uns, trop avantageux selon d'autres. Et de comparer avec d'autres régimes à travers le monde où les populations devaient faire face par un système purement assurantiel et individuel aux aléas de la vie. Par ailleurs, des régimes complémentaires se mettaient en place à partir de la fin des années 50 pour compléter les prestations de sécurité sociale en matière d'assurance maladie et de retraite. La plupart sur une base solidaire, mais pas seulement. Les fonctionnaires, quant à eux, conservaient leur régime institué avant la guerre afin de fidéliser la main-d'œuvre et la stabiliser. Il en était de même pour des structures nationalisées comme les mines, la SNCF, l'EDF, etc. Aujourd'hui, Macron veut remettre en cause le régime de retraite actuel et aller vers un régime par points, avec un âge médian de départ en retraite. Une retraite complète à 64 ans. Mais ce régime par points n'est-il pas le prélude à un système non plus de répartition qui permet une solidarité intergénérationnelle, mais un régime individuel de capitalisation? On peut se poser la question. Un régime de capitalisation basé sur une financiarisation d'un système où chacun se constitue individuellement sa retraite, accentuant encore davantage les inégalités sociales et la paupérisation d'une grande partie de la population. Que dire encore par rapport aux retraites? Eh bien, je reprends un manifeste syndical qui dit « Voilà que le gouvernement reste bloqué sur un seul objectif, augmenter l'âge de départ en retraite. Fallait-il un an de discussion et d'échanges pour en arriver là? Après la présentation du rapport Libault sur la réforme grand âge, aucun calendrier n'est prévu pour sa mise en œuvre. alors que les établissements qui accueillent et prennent en charge les personnes âgées sont au bord de l'explosion. Faudra-t-il encore attendre un énième rapport pour accoucher d'une réforme à la marge ? Le plan santé, quant à lui, n'a pas réussi à désamorcer la grève des urgences. Et ce n'est pas en distribuant une prime de 100 euros au personnel que l'on va résoudre le problème du manque de professionnels de santé. À cela s'ajoute la perte du pouvoir d'achat consécutive au gel des retraites pour 2018 et la non-indexation des retraites pour 2019. L'indexation des seules retraites inférieures à 2000 euros en 2020, décision qui crée une inégalité de traitement au sein de la population de retraités. La poursuite du prélèvement de la cotisation maladie de 1% sur les retraites complémentaires à GIRC, ARCO et IRCANTECT. Voilà, et puis la généralisation de la complémentaire santé qui n'est toujours pas satisfaite, et la mise en place du tiers payant qui n'est toujours pas satisfaite non plus. Donc les retraités ont de quoi être particulièrement mécontents de la situation actuelle. Et quand je disais retraités, maltraités, ce n'était pas sans raison. Les sociologues sont unanimes pour constater que seul un régime solidaire et intergénérationnel est susceptible de préserver notre système de retraite et de sécurité sociale. Il faut créer un fonds pour faire face à ce qu'on appelle le cinquième risque, c'est-à-dire le risque dépendance, afin de faire face à une durée allongée de vie et non plus faire reposer sur les familles les charges induites par le grand âge. Solidarité intergénérationnelle, mais aussi meilleure répartition des revenus. Les inégalités gigantesques que nous connaissons actuellement sont un frein à une société solidaire, démocratique, respectant notre santé et notre environnement. Malheureusement, il y a peu de chances avec le gouvernement et la majorité actuelle de parvenir à une évolution positive dans ce domaine, la préférence étant donnée à une diminution des retraites et une stagnation des prestations vers les plus dépendants. Voilà, je crois que j'ai développé un petit peu ce qui se passe en ce moment au niveau des retraités en particulier, hein, pas seulement. Hein, je crois que c'est vrai que les inégalités dans notre société, le peu de cas qu'on fait des difficultés des personnes âgées, et puis le peu de cas aussi qu'on fait de l'avenir des retraites aujourd'hui, parce qu'il faut y mettre le paquet, c'est certain, ont de quoi faire réfléchir. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.